Chapitre deuxième. Frédéric trouva, au coin d'un rue Rainfort, un petit hôtel, et il s'acheta tout à la fois le coupé, le cheval, les meubles, et deux jardinières prises chez Arnoux, pour mettre aux deux coins de la porte dans son salon. Derrière cet appartement était une chambre et un cabinet. L'idée lui vint d'y loger des lauriers. Mais comment la recevrait-il, elle, sa maîtresse future? La présence d'un ami serait une gêne. Il abattit le refend pour agrandir le salon et fit du cabinet un fumoir. Il acheta les poètes qu'il aimait, des voyages, des atlas, des dictionnaires, car il avait des plans de travail sans nombre. Il pressait les ouvriers, courait les magasins, et dans son impatience de jouir, emportait tout sans marchander. D'après les notes des fournisseurs, Frédéric s'aperçut qu'il aurait à débourser prochainement une 40 000 francs, non compris les droits de succession, lesquels dépasseraient 37 000. Comme sa fortune était en biens territoriaux, il écrivit au notaire du Havre d'en vendre une partie pour se libérer de ses dettes et avoir quelque argent à sa disposition. Puis, voulant connaître enfin cette chose vague, miroitante et indéfinissable qu'on appelle le monde, il demanda par un billet aux Dambreuses s'il pouvait le recevoir. Madame répondit qu'elle espérait sa visite pour le lendemain. C'était jour de réception. Des voitures stationnaient dans la cour. Deux valets se précipitèrent sous la marquise et un troisième, au haut de l'escalier, se mit à marcher devant lui. Il traversa une antichambre, une seconde pièce, puis un grand salon à haute fenêtre, et dont la cheminée monumentale supportait une pendule en forme de sphère, avec deux vases de porcelaine monstrueux où se hérissaient, comme deux buissons d'or, deux faisceaux de bobèches. Des tableaux dans la manière de l'espagnolet étaient appendus au mur. Les lourdes portières en tapisserie tombaient majestueusement, et les fauteuils, les consoles, les tables, tout le mobilier, qui était de style empire, avait quelque chose d'imposant et de diplomatique. Frédéric souriait de plaisir, malgré lui. Enfin, il arriva dans un appartement ovale, lambrissé de bois de rose, bourré de meubles mignons, et qu'éclairait une seule glace donnant sur un jardin. Madame Dambreuse était auprès du feu, une douzaine de personnes formant cercle autour d'elle. Avec un mot aimable, elle lui fit signe de s'asseoir, mais sans paraître surprise de ne l'avoir pas vue depuis longtemps. On vantait, quand il entra, l'éloquence de l'abbé Cœur. Puis, on déplora l'immoralité des domestiques à propos d'un vol commis par un valet de chambre, et les cancans se déroulèrent. La vieille dame de Somery avait un rhume. Mademoiselle de Turviso se mariait. Les Moncharon ne reviendraient pas avant la fin de janvier. Les Bretancourt non plus. Maintenant, on restait tard à la campagne. Et la misère des propos se trouvait comme renforcée par le luxe des choses ambiantes. Mais ce qu'on disait était moins stupide que la manière de causer sans but, sans suite et sans animation. Il y avait là, cependant, des hommes versés dans la vie, un ancien ministre, le curé d'une grande paroisse, deux ou trois hauts fonctionnaires du gouvernement. Ils s'en tenaient aux lieux communs les plus rebattus. Quelques-uns ressemblaient à des douairières fatiguées, d'autres avaient des tournures de maquignons, et des vieillards accompagnaient leurs femmes dont ils auraient pu se faire passer pour les grands-pères. Madame Dambreuse les recevait tous avec grâce. Dès qu'on parlait d'un malade, elle fronçait les sourcils douloureusement et prenait un air joyeux s'il était question de bal ou de soirée. Elle serait bientôt contrainte de s'en priver, car elle allait faire sortir de pension une nièce de son mari, une orpheline. On exalta son dévouement. C'était se conduire en véritable mère de famille. Frédéric l'observait. La pommade de son visage paraissait tendue et d'une fraîcheur sans éclat comme celle d'un fruit conservé. Mais ses cheveux, tire-bouchonnés à l'anglaise, étaient plus fins que de la soie. Ses yeux, d'un azur brillant, tous ses gestes délicats. Assise au fond, sur la causeuse, elle caressait les floches rouges d'un écran japonais, pour faire valoir ses mains, sans doute, de longues mains étroites, un peu maigres, avec des doigts retroussés par le bout. Elle portait une robe de moire grise à corsage montant, comme une puritaine. Frédéric lui demanda si elle ne viendrait pas cette année à la Fortelle. Madame Dambreuse n'en savait rien. Il concevait cela, du reste. Nos gens devaient l'ennuyer. Les visites augmentaient. C'était un bruissement continu de robes sur les tapis. Les dames, posées au bord des chaises, poussaient de petits ricanements, articulaient deux ou trois mots, et au bout de 5 minutes, partaient avec leur jeune fille. Bientôt, la conversation fut impossible à suivre, et Frédéric se retirait quand Madame d'Ambreuse lui dit « Tous les mercredis, n'est-ce pas, Monsieur Moreau ?» rachetant par cette seule phrase ce qu'elle avait montré d'indifférence. Il était content. Néanmoins, il huma dans la rue une large bouffée d'air, et par besoin d'un milieu moins artificiel, Frédéric se ressouvint qu'il devait une visite à la maréchale. La porte de l'antichambre était ouverte. Deux bichons abanés accoururent. Une voix cria « Delphine, Delphine, est-ce vous, Félix ?» Il se tenait sans avancer. Les deux petits chiens jappaient toujours. Enfin, Rosanette parut, enveloppée dans une sorte de peignoir en mousseline blanche garnie de dentelles, pieds nus dans des babouches. « Ah, pardon, monsieur, je vous prenais pour le coiffeur. Une minute, je reviens. » Et il resta seul dans la salle à manger. Les persiennes en étaient closes. Frédéric la parcourait des yeux, en se rappelant le tapage de l'autre nuit, lorsqu'il remarqua au milieu sur la table un chapeau d'homme, un vieux feutre bossué, gras, immonde. À qui donc, ce chapeau ? Montrant impudemment sa coiffe décousue, il semblait dire « Je m'en moque après tout, je suis le maître ». La maréchale survint. Elle le prit, ouvrit la serre, l'y jeta, referma la porte. D'autres portes en même temps s'ouvraient et se refermaient, et ayant fait passer Frédéric par la cuisine, elle l'introduisit dans son cabinet de toilette. On voyait, tout de suite, que c'était l'endroit de la maison le plus hanté, et comme son vrai centre moral. Une perce à grand feuillage tapissait les murs, les fauteuils et un vaste divan élastique. Sur une table de marbre blanc, s'espaçaient de larges cuvettes en faïence bleue. Des planches de cristal formant étagères au-dessus étaient encombrées par des fioles, des brosses, des peignes, des bâtons de cosmétiques, des boîtes à poudre. Le feu se mirait dans une haute psyché, un drap pendait en dehors d'une baignoire, et des senteurs de pâte d'amande et de benjoin s'exhalaient. « Vous excuserez le désordre, ce soir je dîne en ville. » Et comme elle tournait sur ses talons, elle faillit écraser un des petits chiens. Frédéric les déclara charmants. Elle les souleva tous les deux, et haussant jusqu'à lui leur museau noir. « Voyons, faites une risette, baisez-le, monsieur. » Un homme, habillé d'une sale redingote à collet de fourrure, entra brusquement. « Félix, mon brave, » dit-elle, « vous aurez votre affaire dimanche prochain, sans faute. » L'homme se mit à la coiffer. Il lui apprenait des nouvelles de ses amis. Madame de Rochegune, Madame de Saint-Florentin, Madame Lombard. Tout étant noble comme à l'hôtel d'Ambreuse. Puis, il causa théâtre. On donnait le soir à l'ambigu une représentation extraordinaire. « Irez-vous ?»« Ma foi, non, je reste chez moi. » Delphine parut. Elle la gronda pour être sortie sans sa permission. L'autre jura qu'elle rentrait du marché. « Eh bien, apportez-moi votre livre. Vous permettez, n'est-ce pas ?» Et, lisant à demi-voix le cahier, Rosanette faisait des observations sur chaque article. L'addition était fausse. « Rendez-moi 4 sous. » Delphine les rendit, et quand elle l'eut congédié, « Ah, Sainte Vierge, est-on assez malheureux avec ces gens-là » Frédéric fut choqué de cette récrimination. Elle lui rappelait trop les autres, et établissait entre les deux maisons une sorte d'égalité fâcheuse. Delphine, étant revenue, s'approcha de la maréchale pour chuchoter un mot à son oreille. « Eh non, je n'en veux pas !» Delphine se présenta de nouveau. « Madame, elle insiste. Ah, quel embêtement! Flanque-la dehors !» Au même instant, une vieille dame, habillée de noir, poussa la porte. Frédéric n'entendit rien, ne vit rien. Rosanette s'était précipitée dans la chambre à sa rencontre. Quand elle reparut, elle avait les pommettes rouges et elle s'assit dans un des fauteuils, sans parler. Une larme tomba sur sa joue, puis, se tournant vers le jeune homme, doucement, « Quel est votre petit nom ?»« Frédéric. »« Ah, Federico. Ça ne vous gêne pas que je vous appelle comme ça ?» Et elle le regardait d'une façon câline, presque amoureuse. Tout à coup, elle poussa un cri de joie à la vue de Mademoiselle Batnaz. La femme artiste n'avait pas de temps à perdre, devant, à 6 heures juste, présider sa table d'hôte. Et elle haletait, n'en pouvant plus. D'abord, elle retira de son cabas une chaîne de montre avec un papier, puis différents objets,

il se retenait pour ne pas chanter. Il avait besoin de se répandre, de faire des générosités et des aumônes. Il regarda autour de lui s'il n'y avait personne à secourir. Aucun misérable ne passait. Et sa velléité de dévouement s'évanouit, car il n'était pas homme à en chercher au loin les occasions. Puis, il se ressouvint de ses amis. Le premier auquel il songea fut Hussonnet, le second Pellerin. La position infime de Dussardier commandait naturellement des égards. Quant à Sisy, il se réjouissait de lui faire voir un peu sa fortune. Il écrivit donc à tous les quatre de venir pendre la crémaillère le dimanche suivant, à 11 heures juste, et il chargea des lauriers d'amener Sénécal. Le répétiteur avait été congédié de son troisième pensionnat pour n'avoir point voulu de distribution de prix, usage qu'il regardait comme funeste à l'égalité. Il était maintenant chez un constructeur de machines et n'habitait plus avec des lauriers depuis 6 mois. Leur séparation n'avait eu rien de pénible. Sénécal, dans les derniers temps, recevait des hommes en blouse, tous patriotes, tous travailleurs, tous braves gens, mais dont la compagnie semblait fastidieuse à l'avocat. D'ailleurs, certaines idées de son ami, excellentes comme arme de guerre, lui déplaisaient. Il s'entaisait par ambition, tenant à le ménager pour le conduire, car il attendait avec impatience un grand bouleversement où il comptait bien faire son trou, avoir sa place. Les convictions de Sénécal étaient plus désintéressées. Chaque soir, quand sa besogne était finie, il regagnait sa mansarde et il cherchait dans les livres de quoi justifier ses rêves. Il avait annoté le contrat social. Il se bourrait de la revue indépendante. Il connaissait Mably, Morelli, Fourier, Saint-Simon, Comte, Cabet, Louis Blanc. La lourde charte des écrivains socialistes, ceux qui réclament pour l'humanité le niveau des casernes, ceux qui voudraient la divertir dans un lupanar ou la plier sur un comptoir. Et du mélange de tout cela, il s'était fait un idéal de démocratie vertueuse, ayant le double aspect d'une métairie et d'une filature, une sorte de lacédémone américaine, où l'individu n'existerait que pour servir la société, plus omnipotente, absolue, infaillible et divine que les grands lamas et les Nabuchodonosors. Il n'avait pas un doute sur l'éventualité prochaine de cette conception, et tout ce qu'il jugeait lui être hostile, Sénécal s'acharne dessus avec des raisonnements de géomètre et une bonne foi d'inquisiteur. Les titres nobiliaires, les croix, les panaches, les livrées surtout, et même les réputations trop sonores le scandalisaient. Ses études, comme ses souffrances, avivant chaque jour sa haine essentielle de toute distinction ou supériorité quelconque. Qu'est-ce que je dois à ce monsieur pour lui faire des politesses? S'il voulait de moi, il pouvait venir. Deslauriers l'entraîna. Ils trouvèrent leur ami dans sa chambre à coucher. Stores et double rideaux, glace de Venise, rien n'y manquait. Frédéric, en veste de velours, était renversé dans une bergère où il fumait des cigarettes de tabac turc. Sénécal se rembrunit, comme les cagots amenés dans les réunions de plaisir. Deslauriers embrassa tout d'un seul coup d'œil, puis le saluant très bas. « Monseigneur, je vous présente mes respects. » Dussardier lui sauta au cou. « Vous êtes donc riche maintenant ?»« Ah, tant mieux, nom d'un chien, tant mieux !» Sisy parut, avec un crêpe à son chapeau. Depuis la mort de sa grand-mère, il jouissait d'une fortune considérable et tenait moins à s'amuser qu'à se distinguer des autres, à n'être pas comme tout le monde, enfin, avoir du cachet. C'était son mot. Il était midi, cependant, et tous bâillaient. Frédéric attendait quelqu'un. Au nom d'Arnoux, Pellerin fit la grimace. Il le considérait comme un renégat depuis qu'il avait abandonné les arts. Si l'on se passait de lui, qu'en dites-vous? Tous approuvèrent. Un domestique en longue guêtre ouvrit la porte et l'on aperçut la salle à manger avec sa haute plainte en chêne relevée d'or et ses deux dressoirs chargés de vaisselle. Les bouteilles de vin chauffaient sur le poêle. Les lames des couteaux neufs miroitaient près des huîtres. Il y avait dans le ton laiteux des verres mousseline comme une douceur engageante, et la table disparaissait sous du gibier, des fruits, des choses extraordinaires. Ses attentions furent perdues pour Sénécal. Il commença par demander du pain de ménage, le plus ferme possible, et à ce propos parla des meurtres de Buzancais et de la crise des subsistances. Rien de tout cela ne serait survenu si on protégeait mieux l'agriculture, si tout n'était pas livré à la concurrence, à l'anarchie, à la déplorable maxime du laisser-faire, laisser-passer.

lui faisait bondir le cœur. Il s'inquiétait de Barbès. Il était de ceux qui se jettent sous les voitures pour porter secours aux chevaux tombés. Son érudition se bornait à deux ouvrages, l'un intitulé « Crime des rois », l'autre « Mystère du Vatican ». Il avait écouté l'avocat bouche béante avec délice. Enfin, n'y tenant plus. « Moi, ce que je reproche à Louis-Philippe, c'est d'abandonner les Polonais. »« Un moment, » dit Hussonnet. « D'abord, la Pologne n'existe pas. C'est une invention de Lafayette. Les Polonais, règle générale, sont tous du faubourg Saint-Marceau, les véritables s'étant noyés avec Poniatowski. » Bref, il ne donnait plus là-dedans. Il était revenu de tout ça. C'était comme le serpent de mer, la révocation de l'édit de Nantes et cette vieille blague de la Saint-Barthélemy. Sénécal, sans défendre les Polonais, releva les derniers mots de l'homme de lettres. On avait calomnié les papes, qui après tout défendaient le peuple, et il appelait la Ligue l'aurore de la démocratie, un grand mouvement égalitaire contre l'individualisme des protestants. Frédéric était un peu surpris par ces idées. Elles ennuyaient Sisy probablement, car il mit la conversation sur les tableaux vivants du gymnase, qui attirait alors beaucoup de monde. Sénégal s'en affligea. De tels spectacles corrompaient les filles du prolétaire. Puis, on les voyait étaler un luxe insolent. Aussi approuva-t-il les étudiants bavarois qui avaient outragé le Lamontès. À l'instar de Rousseau, il faisait plus de cas de la femme d'un charbonnier que de la maîtresse d'un roi. « Vous blaguez les truffes, » répliqua majestueusement Hussonnet. Et il prit la défense de ces dames en faveur de Rosanette. Puis, comme il parlait de son bal et du costume d'Arnoux, « On prétend qu'il branle dans le manche, » dit Pellerin. Le marchand de tableaux venait d'avoir un procès pour ses terrains de Belleville, et il était actuellement dans une compagnie de Caolins bas-bretons avec d'autres farceurs de son espèce. Dussardy en savait davantage, car son patron à lui, M. Moussineau, ayant été aux informations sur Arnoux près du banquier Oscar Lefebvre, celui-ci avait répondu qu'il le jugeait peu solide, connaissant quelques-uns de ses renouvellements. Le dessert était fini. On passa dans le salon, tendu comme celui de la maréchale, en damas jaune et de style Louis XVI. Pellerin blâma Frédéric de n'avoir pas choisi plus tôt le style néo-grec. Sénécal frotta des allumettes contre les tentures. Deslauriers ne fit aucune observation. Il en fit dans la bibliothèque, qu'il appela une bibliothèque de petites filles. La plupart des littérateurs contemporains s'y trouvaient. Il fut impossible de parler de leurs ouvrages, car Hussonnet, immédiatement, contait des anecdotes sur leurs personnes, critiquait leurs figures, leurs mœurs, leurs costumes, exaltant les esprits de 15e ordre, dénigrant ceux du premier et déplorant, bien entendu, la décadence moderne. Telle chansonnette de villageois contenait, à elle seule, plus de poésie que tous les lyriques du 19e siècle. Balzac était surfait, Byron démoli, Hugo n'entendait rien au théâtre, etc. « Pourquoi donc, dit Sénécal, n'avez-vous pas les volumes de nos poètes ouvriers ?» Et M. de Sisy, qui s'occupait de littérature, s'étonna de ne pas voir sur la table de Frédéric quelques-unes de ses physiologies nouvelles, physiologie du fumeur, du pêcheur à la ligne, de l'employé de barrière. Ils arrivèrent à l'agacer tellement qu'il eut envie de les pousser dehors par les épaules. « Mais je deviens bête !» Et prenant Dussardy à l'écart, il lui demanda s'il pouvait le servir en quelque chose. Le brave garçon fut attendri. Avec sa place de caissier, il n'avait besoin de rien. Ensuite, Frédéric emmena Deslauriers dans sa chambre et tirant de son secrétaire 2000 francs. « Tiens, mon brave, en poche, c'est le reliquat de mes vieilles dettes. »« Mais, et le journal ?» dit l'avocat. « J'en ai parlé à Hussonnet, tu sais bien. » Et Frédéric, ayant répondu qu'il se trouvait un peu gêné maintenant, l'autre eut un mauvais sourire. Après les liqueurs, on but de la bière. Après la bière, des grogues. On refuma des pipes. Enfin, à 5 heures du soir, tous s'en allèrent, et ils marchaient les uns près des autres, sans parler, quand Dussardy se mit à dire que Frédéric les avait reçus parfaitement. Tous en convinrent. Hussonnet déclara son déjeuner un peu trop lourd. Sénécal critiqua la futilité de son intérieur. Sisy pensait de même. Cela manquait de cachet, absolument. « Moi, je trouve, dit Pellerin, qu'il aurait bien pu me commander un tableau. Deslauriers se taisait, en tenant dans la poche de son pantalon ses billets de banque. Frédéric était resté seul. Il pensait à ses amis, et sentait entre eux et lui comme un grand fossé plein d'ombre qui les séparait. Il leur avait tendu la main, cependant, et il n'avait pas répondu à la franchise de son cœur. Il se rappela les mots de Pellerin et de Dussardier sur Arnoux. C'était une invention, une calomnie, sans doute. Mais pourquoi? Et il aperçut Madame Arnoux, ruinée, pleurant, vendant ses meubles. Cette idée le tourmenta toute la nuit. Le lendemain, il se présenta chez elle. Ne sachant comment s'y prendre pour communiquer ce qu'il savait, il lui demanda en manière de conversation si Arnoux avait toujours ses terrains de Belleville. « Oui, toujours. » « Il est maintenant dans une compagnie pour du kaolin de Bretagne, je crois. »« C'est vrai. » »« Sa fabrique marche très bien, n'est-ce pas ?»« Mais je le suppose. » Et comme il hésitait, « Qu'avez-vous donc? Vous me faites peur. » Il lui apprit l'histoire des renouvellements. Elle baissa la tête et dit « Je m'en doutais. » En effet, Arnoux, pour faire une bonne spéculation, s'était refusé à vendre ses terrains, avait emprunté dessus largement et, ne trouvant point d'acquéreur, avait cru se rattraper par l'établissement d'une manufacture. Les frais avaient dépassé les devis. Elle n'en savait pas davantage. Il éludait toute question et affirmait continuellement que ça allait très bien. Frédéric tâcha de la rassurer. C'était peut-être des embarras momentanés. Du reste, s'il apprenait quelque chose, il lui en ferait part. « Oh oui, n'est-ce pas ? » dit-elle, en joignant ses deux mains, avec un air de supplication charmant. Il pouvait donc lui être utile. Le voilà qui entrait dans son existence, dans son cœur. Arnoux parut. « Ah, comme c'est gentil de venir me prendre pour dîner !» Frédéric en resta muet. Arnoux parla de choses indifférentes, puis avertit sa femme qu'il rentrerait fort tard, ayant un rendez-vous chez M. Audry. « Chez lui ?»« Mais certainement, chez lui. » Il avoua, tout en descendant l'escalier, que la maréchale se trouvant libre, ils allaient faire ensemble une partie fine au Moulin Rouge, et comme il lui fallait toujours quelqu'un pour recevoir ses épanchements, il se fit conduire par Frédéric jusqu'à la porte. Au lieu d'entrer, il se promena sur le trottoir en observant les fenêtres du second étage. Tout à coup, les rideaux s'écartèrent. « Ah, bravo ! Le père Audry n'y est plus. Bonsoir. » C'était donc le père Audry qui l'entretenait. Frédéric ne savait que penser maintenant. À partir de ce jour-là, Arnoux fut encore plus cordial qu'auparavant. Il l'invitait à dîner chez sa maîtresse, et bientôt Frédéric hanta tout à la fois les deux maisons. Celle de Rosanette l'amusait. On venait là le soir, en sortant du club ou du spectacle. On prenait une tasse de thé, on faisait une partie de loto, le dimanche on jouait des charades. Rosanette, plus turbulente que les autres, se distinguait par des inventions drôlatiques, comme de courir à quatre pattes, ou de s'affubler d'un bonnet de coton. Pour regarder les passants par la croisée, elle avait un chapeau de cuir bouilli. Elle fumait des chibouks, elle chantait des tyroliennes. L'après-midi, par désœuvrement, elle découpait des fleurs dans un morceau de toile perse, les collait elle-même sur ses carreaux, barbouillait de farce et de petits chiens, faisait brûler des pastilles, ou se tirait la bonne aventure. Incapable de résister à une envie, elle s'engouait d'un bibelot qu'elle avait vu, n'en dormait pas, courait l'acheter, le troquait contre un autre, égâchait les étoffes, perdait ses bijoux, gaspillait l'argent, aurait vendu sa chemise pour une loge d'avant-scène. Souvent, elle demandait à Frédéric l'explication d'un mot qu'elle avait lu, mais il n'écoutait pas sa réponse, car elle s'était vite à une autre idée en multipliant les questions. Après des spasmes de gaieté, c'était des colères enfantines, ou bien elle rêvait, assise par terre, devant le feu, la tête basse et le genou dans ses deux mains, plus inerte qu'une couleuvre engourdie. Sans y prendre garde, elle s'habillait devant lui, tirait avec lenteur ses bas de soie, puis se lavait à grande eau le visage, en se renversant la taille comme une naïade qui frissonne, et le rire de ses dents blanches, les étincelles de ses yeux, sa beauté, sa gaieté éblouissaient Frédéric et lui fouettaient les nerfs. Presque toujours, il trouvait Madame Arnoux montrant à lire à son bambin ou derrière la chaise de Marthe qui faisait des gammes sur son piano. Quand elle travaillait à un ouvrage de couture, c'était pour lui un grand bonheur que de ramasser quelquefois ses ciseaux. Tous ses mouvements étaient d'une majesté tranquille.

et Hussonet aurait laissé périr l'art, sans les exhortations de l'avocat, qui lui chauffait le moral quotidiennement. Il l'avait pris afin de donner plus de poids à sa démarche. « Nous venons pour le journal, » dit-il. « Tiens, tu y penses encore, » répondit Frédéric d'un ton distrait. « Certainement, j'y pense. » Et il exposa de nouveau son plan. Par des comptes rendus de la bourse, il se mettrait en relation avec des financiers et obtiendrait ainsi les 100 000 francs de cautionnement indispensables. Mais pour que la feuille pût être transformée en journal politique, il fallait auparavant avoir une large clientèle et pour cela, se résoudre à quelques dépenses, tant pour les frais de papeterie, d'imprimerie, de bureau, bref, une somme de 15 000 francs. « Je n'ai pas de fonds, » dit Frédéric. « Et nous donc ?» fit Deslauriers en croisant ses deux bras. Frédéric, blessé du reste, répliqua « Est-ce ma faute ?»« Ah, très bien. » Ils ont du bois dans leur cheminée, des truffes sur leur table, un bon lit, une bibliothèque, une voiture, toutes les douceurs. Mais qu'un autre grelotte sous les ardoises, dîne à 20 sous, travaille comme un forçat et patauge dans la misère. Est-ce leur faute ? Et il répétait « Est-ce leur faute ?» avec une ironie cicéronienne qui sentait le palais. Frédéric voulait parler. Du reste, je comprends, on a des besoins aristocratiques. Car sans doute, quelques femmes... Eh bien, quand cela serait, ne suis-je pas libre ? Oh, très libre. Et après une minute de silence, c'est si commode, les promesses. Mon Dieu, je ne les nie pas, dit Frédéric. L'avocat continuait. Au collège, on fait des serments. On constituera une phalange, on imitera les 13 de Balzac. Puis, quand on se retrouve... Bonsoir, mon vieux, va te promener. Car celui qui pourrait servir l'autre retient précieusement tout pour lui seul. Comment ? Oui, tu ne nous as même pas présenté chez les Dambreuse. Frédéric le regarda. Avec sa pauvre redingote, ses lunettes dépolies et sa figure blême, l'avocat lui parut un tel cuistre qu'il ne put empêcher sur ses lèvres un sourire dédaigneux. Deslauriers l'aperçut et rougit. Il avait déjà son chapeau pour s'en aller. Hussonnet, plein d'inquiétude, tâchait de l'adoucir par des regards suppliants, et comme Frédéric lui tournait le dos, « Voyons, mon petit, soyez mon mécène, protégez les arts !» Frédéric, dans un brusque mouvement de résignation, prit une feuille de papier, et ayant griffonné dessus quelques lignes, la lui tendit. Le visage du bohème s'illumina, puis repassant la lettre à Deslauriers, « Faites des excuses, seigneur !» Leur ami conjurait son notaire de lui envoyer au plus vite 15 000 francs. « Ah, je te reconnais là, » dit Deslauriers. « Voix de gentilhomme, » ajouta le bohème, « vous êtes un brave. On vous mettra dans la galerie des hommes utiles. » L'avocat reprit. « Tu n'y perdras rien, la spéculation est excellente. »« Parbleu !» s'écria Hussonnet, « j'en fourrai ma tête sur l'échafaud. » Et il débita tant de sottises et promit tant de merveilles auxquelles il croyait peut-être que Frédéric ne savait pas si c'était pour se moquer des autres ou de lui-même. Ce soir-là, il reçut une lettre de sa mère. Elle s'étonnait de ne pas le voir encore ministre, tout en le plaisantant quelque peu. Puis elle parlait de sa santé et lui apprenait que M. Roch venait maintenant chez elle. « Depuis qu'il est veuf, j'ai cru sans inconvénient de le recevoir. Louise est très changée à son avantage. » Et en post-scriptum, « Tu ne me dis rien de ta belle connaissance, M. Dambreuse. À ta place, je l'utiliserai. » « Pourquoi pas ?» Ses ambitions intellectuelles l'avaient quitté, et sa fortune, il s'en apercevait, était insuffisante, car ses dettes payées et la somme convenue remise aux autres, son revenu serait diminué de 4 000 francs, pour le moins. D'ailleurs, il sentait le besoin de sortir de cette existence, de se raccrocher à quelque chose. Aussi, le lendemain, en dînant chez Madame Arnoux, il dit que sa mère le tourmentait pour qu'il embrassât une profession. « Mais je croyais, reprit-elle, que M. Dambreuse devait vous faire entrer au Conseil d'État, cela vous irait très bien. » Elle le voulait donc, il obéit. Le banquier, comme la première fois, était assis à son bureau et d'un geste le pria d'attendre quelques minutes, car un monsieur, tournant le dos à la porte, l'entretenait de matière grave. Il s'agissait de charbon de terre et d'une fusion à opérer entre diverses compagnies. Les portraits du général Foy et de Louis-Philippe se faisaient pendant de chaque côté de la glace. Des cartonniers montaient contre le lambris jusqu'au plafond, et il y avait 6 chaises de paille.

Quelqu'un devant lui, qui montait l'escalier, ferma la porte. Il tira la sonnette. Delphine vint ouvrir et affirma que madame n'y était pas. Frédéric insista, pria. Il avait à lui communiquer quelque chose de très grave, un simple mot. Enfin, l'argument de la pièce de 100 sous réussit, et la bonne le laissa seul dans l'antichambre. Rosanette parut. Elle était en chemise, les cheveux dénoués. Et tout en hochant la tête, elle fit de loin, avec les deux bras, un grand geste exprimant qu'elle ne pouvait le recevoir. Frédéric descendit l'escalier lentement. Ce caprice-là dépassait tous les autres, il n'y comprenait rien. Devant la loge du portier, Mademoiselle Batenaz l'arrêta. « Elle vous a reçu ?»« Non. »« On vous a mis à la porte ?»« Comment le savez-vous ? » ?»« Ça se voit. Mais venez, sortons, j'étouffe. » Elle l'emmena dans la rue. Elle haletait. Il sentait son bras maigre trembler sur le sien. Tout à coup, elle éclata. « Ah, le misérable !»« Qui donc ?»« Mais c'est lui, lui, Delmar !» Cette révélation humilia Frédéric. Il reprit. « En êtes-vous bien sûr ?»« Mais quand je vous dis que je l'ai suivi, » s'écria la Batenaz, « je l'ai vu entrer, comprenez-vous maintenant ? Je devais m'y attendre d'ailleurs. C'est moi, dans ma bêtise, qui l'ai mené chez elle. Et si vous saviez, mon Dieu, je l'ai recueilli, je l'ai nourri, je l'ai habillé. Et toutes mes démarches dans les journaux, je l'aime comme une mère. » Puis, avec un ricanement, « Ah, c'est qu'il faut à monsieur des robes de velours. Une spéculation de sa part, vous pensez bien, et elle. Dire que je l'ai connue confectionneuse de lingerie. Sans moi, plus de 20 fois, elle serait tombée dans la crotte. Mais je l'y plongerai, oh oui. Je veux qu'elle crève à l'hôpital, on saura tout. » Et comme un torrent d'eau de vaisselle qui charrie des ordures, sa colère fit passer tumultueusement sous Frédéric les hontes de sa rivale. Elle a couché avec Jumillac, avec Flacourt, avec le petit Allard, avec Bertineau, avec Saint-Valéry, le Grêlé. Non, l'autre. Ils sont deux frères, n'importe. Et quand elle avait des embarras, j'arrangeais tout. Qu'est-ce que j'y gagnais? Elle est si avare. Et puis vous en conviendrez. C'était une jolie complaisance que de la voir, car enfin, nous ne sommes pas du même monde. Est-ce que je suis une fille, moi? Est-ce que je me vends? Sans compter qu'elle est bête comme un chou. Elle écrit catégorie avec un TH. Au reste, ils vont bien ensemble, ça fait la paire. Quoiqu'il s'intitule artiste et se croit du génie, mais mon Dieu, s'il avait seulement de l'intelligence, il n'aurait pas commis une infamie pareille. On ne quitte pas une femme supérieure pour une coquine. Je m'en moque, après tout. Il devient laid, je l'exècre. Si je le rencontrais, tenez, je lui cracherais à la figure. Elle cracha. Oui, voilà le cas que j'en fais maintenant. Et Arnoux, hein, n'est-ce pas abominable? Il lui a tant de fois pardonné. On n'imagine pas ses sacrifices. Elle devrait baiser ses pieds. Il est si généreux, si bon. Frédéric jouissait à entendre dénigrer Delmar. Il avait accepté Arnoux. Cette perfidie de Rosanette lui semblait une chose anormale, injuste. Et gagné par l'émotion de la vieille fille, il arrivait à sentir pour lui comme de l'attendrissement. Tout à coup, il se tourna devant sa porte. Mademoiselle Batenaz, sans qu'il s'en aperçût, lui avait fait descendre le faubourg Poissonnière. « Nous y voilà, » dit-elle. « Moi, je ne peux pas monter, mais vous, rien ne vous empêche. »« Pourquoi faire ?»« Pour lui dire tout, parbleu. » Frédéric, comme en se réveillant en sursaut, comprit l'infamie où on le poussait. « Eh bien, » reprit-elle, il leva les yeux vers le second étage. La lampe de Madame Arnoux brûlait. Rien, effectivement, ne l'empêchait de monter. « Je vous attends ici. Allez donc. » Ce commandement acheva de le refroidir et il dit « Je serai là au longtemps. Vous feriez mieux de vous en retourner. J'irai demain chez vous. »« Non, non !» répliqua la Batenaz en tapant du pied. « Prenez-le, emmenez-le. Faites qu'il les surprenne. » « Mais Delmar n'y sera plus. » Elle baissa la tête. « Oui, c'est peut-être vrai. » Et elle resta sans parler, au milieu de la rue, entre les voitures, puis, fixant sur lui ses yeux de chatte sauvage, « Je peux compter sur vous, n'est-ce pas ? Entre nous deux maintenant, c'est sacré. Faites donc. À demain. » Frédéric, en traversant le corridor, entendit deux voix qui se répondaient. Celle de Madame Arnoux disait « Ne mens pas, ne mens donc pas !» Il entra, on se tut. Arnoux marchait de long en large, et Madame était assise sur la petite chaise près du feu, extrêmement pâle, l'œil fixe. Frédéric fit un mouvement pour se retirer. Arnoux lui saisit la main, heureux du secours qui lui arrivait.

demeurait entreclose comme pour donner son âme. Quelquefois, elle appuyait dessus fortement son mouchoir. Il aurait voulu être ce petit morceau de batiste tout trempé de larmes. Malgré lui, il regardait la couche au fond de l'alcôve en imaginant sa tête sur l'oreiller. Et il voyait cela si bien qu'il se retenait pour ne pas la saisir dans ses bras. Elle ferma les paupières, apaisée, inerte. Alors, il s'approcha de plus près et, penché sur elle, il examinait avidement sa figure. Un bruit de bottes résonna dans le couloir. C'était l'autre. Ils l'entendirent fermer la porte de sa chambre. Frédéric demanda d'un signe à Madame Arnoux s'il devait y aller. Elle répliqua oui, de la même façon, et ce muet échange de leurs pensées était comme un consentement, un début d'adultère. Arnoux, près de se coucher, défaisait sa redingote. « Eh bien, comment va-t-elle ? » « Oh, mieux, » dit Frédéric, « cela se passera. » Mais Arnoux était peiné. « Vous ne la connaissez pas. Elle a maintenant des nerfs. Imbécile de commis. Voilà ce que c'est que d'être trop bon. Si je n'avais pas donné ce maudit chat à la Rosanette. Ne regrettez rien. Elle vous en est on ne peut plus reconnaissante. Vous croyez ?» Frédéric n'en doutait pas. La preuve, c'est qu'elle venait de congédier le père Oudry. Ah, pauvre biche. Et dans l'excès de son émotion, Arnoux voulait courir chez elle. Ce n'est pas la peine. J'en viens, elle est malade. Raison de plus. Il repassa vivement sa redingote et avait pris son bougeoir. Frédéric se maudit pour sa sottise et lui représenta qu'il devait, par décence, rester ce soir auprès de sa femme. Il ne pouvait l'abandonner, ce serait très mal. Franchement, vous auriez tort. Rien ne presse là-bas. Vous irez demain. Voyons, faites cela pour moi. Arnoux déposa son bougeoir et lui dit, en l'embrassant, « Vous êtes bon, vous. »